L'Association générale des Coréens en Chine a publié le 7 courant une déclaration de s'engager dans la lutte pour l'arrêt de la disposition de Saad par la force unie de toute la nation, l'élimination de la bande de traîtres serviles aux grandes puissances, y compris Bakouné, la paix et la sécurité de la péninsule coréenne, l'amélioration des rapports nord-sud et la réunification de la patrie. Par ailleurs, le vice-président de l'association de Mudanjian de l'Association générale des Coréens en Chine a lancé le 5 un entretien titré « Punissons résolument Bakouné, pire traître à la patrie ».